Des Tilleuls, le premier livre illustré de mes petits-enfants. Lu par Sabine pour audiocité.net, sous la licence Art Libre. La vieille dame et son carlin. Un jour d'été, plusieurs jeunes personnes, sous la conduite de leur maîtresse de pension, se promenaient à la campagne. L'air était pur, les oiseaux chantaient dans les arbres, les papillons voltigeaient de fleur en fleur, et la cigale faisait entendre son cri monotone et perçant. Le cœur s'épanouissait à la vue des prairies émaillées de bleuets et de coquelicots, et l'on éprouvait le besoin de rire et de sauter. Les jeunes personnes subissaient sans doute l'influence de ce beau jour, car leurs joyeux babils et leurs bruyants éclats de rire couvraient la voix des cigales. En longeant les massifs de verdure, les petites filles rencontrèrent une vieille dame, habillée comme du temps du roi Dagobert, et traînant à sa suite un affreux petit chien, à moitié pelé, à moitié poussif. Les pensionnaires étaient bien trop animés pour garder leur sérieux devant ce tableau. Elles accueillirent l'étrangère et son toutou par des ricanements et par des réflexions assez désobligeantes. La vieille dame s'arrêta court et leur dit « Mesdemoiselles, j'aime mieux voir de vilains habits que de vilains défauts. On quitte aisément les premiers et l'on a beaucoup de peine à se débarrasser des autres. N'est-il pas vrai, mademoiselle Léonie ? Le diablotin est encore là pour le dire. » En entendant ces mots, la petite fille interpellée devint rouge comme une cerise. Les enfants regardèrent tour à tour leur compagne et l'étrangère. « Vous désirez savoir pourquoi Léonie vient de rougir ?» dit la vieille dame en s'adressant à toute la compagnie. « Et moi, je désire vous l'apprendre. Asseyez-vous et écoutez. » Les petites filles s'assirent sur l'herbe et l'étrangère au chien pelé s'exprima de la sorte. Les œufs de Pâques. Mademoiselle Léonie est une petite fille passablement curieuse. Le jour de Pâques, elle reçut une jolie corbeille dont le couvercle était fermé par un ruban. La petite fille supposait que cette corbeille renfermait, suivant l'usage, des œufs en sucre et d'autres friandises. Elle aurait bien voulu s'en assurer, mais elle n'osait dénouer le ruban, dans la crainte de mécontenter son papa, qui avait manifesté l'intention d'ouvrir la corbeille de ses propres mains. Léonie, dont l'impatience était grande, ne put résister longtemps à la tentation. Pensant qu'un ruban dénoué pouvait se refaire, elle tira le cordon. Tout à coup, le couvercle de la corbeille s'enleva brusquement. Un diablotin à ressort parut, et en même temps 6 œufs de Pâques, que le mannequin portait dans sa robe, furent projetés hors de la corbeille et se brisèrent en plus de 1000 morceaux. Mademoiselle Léonie fut bien épouvantée, non de l'apparition du diablotin, elle était trop grande fille pour avoir peur d'une poupée, mais parce qu'elle redoutait les conséquences de sa curiosité. Léonie aurait pu faire rentrer le diablotin dans sa prison et renouer le ruban, mais à quoi bon? Les œufs brisés ne témoignaient-ils pas contre elle? Voilà pourquoi mademoiselle Léonie rougit jusqu'aux oreilles quand on lui parle du diablotin. Les enfants regardèrent leur compagne et chuchotèrent. La jolie quêteuse. Si Léonie n'aime pas qu'on lui parle du jour de Pâques, continua la vieille dame, mademoiselle Julienne, que voici, n'est guère plus satisfaite quand on lui rappelle le jour de la Pentecôte. Mademoiselle Julienne, vous l'ignorez peut-être, est assez négligente. Elle jette pêle-mêle ses robes et ses souliers et ne remet jamais les choses à leur place. Sa chambre est dans un tel désordre qu'on y peut circuler sans risquer de renverser quelques meubles ou de trébucher contre un des 1000 objets qui traînent sur le plancher. À la fête de la Pentecôte, mademoiselle Julienne avait été choisie pour quêter à la paroisse. À cette occasion, sa tante, qui est aussi sa marraine, lui avait fait présent d'un ravissant costume de mousseline blanche, orné de rubans roses et parsemé de fleurs naturelles. Le jour de la cérémonie, Julienne, aidée de sa bonne tante, revêtit cette jolie robe qui lui seyait à merveille. La maman était toute joyeuse de voir sa fille aussi belle. La bonne tante ne l'était pas moins. Elle s'apprêtait à conduire la jeune personne à l'église, lorsque celle-ci, pleurant à chaudes larmes, se présenta devant elle la robe et le visage maculés de larges taches noires. Mademoiselle Julienne, en voulant prendre une épingle sur l'étagère, venait de renverser un pot de cirage liquide qui l'avait inondé des pieds à la tête. Je vous demande ce que pouvait bien faire un pot de cirage sur l'étagère d'une demoiselle. Le costume fut perdu. Juliette ne quêta point. La mère réprimanda sa fille, et la marraine s'éloigna, mécontente, en se promettant de ne plus faire de cadeaux à sa filleule tant que celle-ci ne se montrerait pas plus soigneuse. Jolie Rose. Il ne faut pas regarder Julienne avec ce petit air dédaigneux, continua la vieille dame en s'adressant à l'une des pensionnaires. Vous n'êtes pas exempte de défauts, mademoiselle Claire. Si votre camarade est peu soigneuse, on ne peut du moins lui reprocher de trop s'admirer. Vous rappelez-vous ce jour où, toute pimpante dans vos coquets habits, vous vous rendîtes chez votre grand-maman? Vous étiez coiffée à la dernière mode, et l'on voyait s'épanouir dans vos cheveux une magnifique rose pourpre. Vous étiez fière de vos ajustements, et vous marchiez la tête haute comme la marquise de Carabas. Les passants vous regardaient et plusieurs s'écrièrent. « Quelle est jolie, quelle est ravissante !» Ces éloges vous causaient une vive satisfaction, car vous êtes passablement vaniteuse, mademoiselle Claire. Mais la vanité, comme tous les autres défauts, n'attire jamais que des fâcheuses aventures. Une femme du marché, en vous apercevant, dit aussi « Quelle est belle !» Vous lui adressâtes un aimable sourire pour la remercier de son compliment flatteur. Vous souvenez-vous de ce qu'elle vous dit alors? Ma petite demoiselle, vous vous trompez étrangement si vous croyez que je parle de vous. J'admire la jolie rose que vous portez dans vos cheveux et non votre visage qui est loin de lui ressembler. À ces mots, les voisines de la marchande firent entendre de bruyants éclats de rire et vous vous éloignâtes, humiliée et confuse. Quand on n'est pas irréprochable, mademoiselle Claire, on doit avoir de l'indulgence pour les défauts d'autrui et chercher à se corriger. N'est-il pas vrai, mesdemoiselles ? Les petites filles ne chuchotaient plus. Le défaut de Georgette. Georgette me regarde et se demande si je connais son péché capital, poursuivit la vieille dame. Oui, je le connais, et je sais qu'il a failli réduire votre mère à l'indigence. Vous êtes bien gentille, mademoiselle Georgette, mais un peu bavarde, et quand on parle trop, on a toujours lieu de s'en repentir. Le papa de Georgette, revenant des Indes, périt dans un naufrage. 6 mois après ce malheureux événement, un officier de marine vint apporter à la veuve une somme d'argent assez considérable, héritage de son mari. Après le départ de l'officier, Georgette rencontra sa petite voisine sur l'escalier et lui raconta que sa maman venait de recevoir une grosse somme d'argent. Ces paroles furent entendues par un homme qui portait du bois à l'étage supérieur. Cet homme s'introduisit le soir même chez la maman de Georgette et lui déroba tout ce qu'elle possédait. Le désespoir de la veuve fut grand lorsqu'elle se vit dépouillée de ses moyens d'existence. Touchée des larmes de sa mère, Georgette avoua sa faute. Les agents de la police furent aussitôt prévenus. Ils arrêtèrent le voleur, nanti de tout l'argent qu'il avait enlevé. Cette histoire vous prouve, mesdemoiselles, que l'indiscrétion est un défaut bien grave et qu'on doit se méfier des petites filles babillardes. Le dîner de famille. Quant à vous, mademoiselle Lucie, vous faites bien de baisser les yeux. Une jeune fille qui s'abandonne à la colère et qui jette le trouble dans une maison n'a pas le droit de se moquer de son prochain. Il circule une belle histoire sur votre compte. C'était, il m'en souvient, le jour de la fête de votre bonne maman. Vos oncles, vos tantes, vos cousins et quelques amis s'étaient réunis chez vos parents pour dîner en famille. Le couvert était déjà mis et l'on allait s'attabler. C'est à ce moment que vous vous rendîtes auprès de Gertrude et que vous lui demandâtes un verre d'eau. La cuisinière, trop affairée, refusa de vous servir et vous laissa trépigner d'impatience. Alors, cédant à votre funeste penchant, vous eûtes un accès de colère et dans vos transports, vous renversâtes la rôtissoire dans le foyer. Gertrude se précipita vers le rôti qui déjà flambait. Dans son empressement, elle trébucha contre le pied du fourneau qui se brisa. Le fourneau, manquant de point d'appui, s'inclina fortement et les casseroles, les plats, les coquemards tombèrent avec fracas. Les convives accoururent en entendant ce vacarme. Jugez de leur déception lorsqu'ils virent le dîner par terre. Les parents de Mademoiselle Lucie étaient désespérés et ne savaient comment s'excuser auprès de leurs invités, qui s'éloignèrent assez peu satisfaits et l'estomac creux. « Ne pleurez pas, Mademoiselle Lucie. Je sais que depuis ce jour de scandaleuse mémoire, vous faites de louables efforts pour vous corriger. Persistez, et vous serez bientôt maîtresse de vous-même. Avec de la persévérance et de la bonne volonté, on vient à bout de tout. Vous m'entendez, mesdemoiselles ?» Les petites filles s'inclinèrent en silence. Le chat révélateur. Vous qui semblez si occupé de votre parapluie, mademoiselle Francine, pourriez-vous me dire comment se porte Minet ? Demanda la vieille dame à l'une des jeunes personnes de la société. Vous rougissez, tant mieux, cela prouve que vous n'avez pas oublié la faute que je vais rapporter. Obligée de sortir, la maman de Franchi fit promettre à son enfant de ne toucher à rien pendant son absence. La maman avait des motifs pour exiger cette promesse. Elle savait Francine quelque peu curieuse et passablement gourmande. Vous croyez que cette petite fille tint parole ? Détrompez-vous. Mademoiselle Francine avait remarqué un pot de gelée de framboise sur une planche de l'armoire, et cette confiture la friandait beaucoup et la tentait bien fort. Elle résista pendant une grosse demi-heure. La gourmandise finit par l'emporter sur le devoir, et la petite fille mangea les confitures. 5 minutes après, arrivait la maman. « Avez-vous été obéissante ? » lui demanda-t-elle. « Oui, maman, » répondit Francine, non sans rougir. À peine eut-elle proféré ce mensonge qu'un miaulement formidable se fit entendre. Francine pâlit. Elle avait enfermé son chat dans l'armoire. La maman délivra Minet et regarda tristement sa fille. « Mon enfant, lui dit-elle, une faute en appelle toujours une autre. La gourmandise vous a fait désobéir pour cacher votre indocilité. Vos lèvres viennent de se souiller d'un mensonge. Apprenez que la vérité ne peut se dissimuler et que des témoins révélateurs envoyés par le bon Dieu dénoncent toujours les coupables. » Mademoiselle Francine, depuis ce jour-là, se garde de tout mensonge et n'aime plus les confitures. Le chardonneret. Une petite fille qui ces derniers jours pleurait bien amèrement, c'est Mademoiselle Pauline. « Ne vous cachez pas derrière votre maîtresse, mon enfant, et regardez-moi sans crainte. La faute que vous avez commise est assez légère, et je n'entends pas vous en faire un crime. » « Pauline est la meilleure de toutes, sachez-le, mesdemoiselles. Elle est affectueuse et douce, et l'on ne doit lui reprocher qu'un peu d'étourderie. C'est un défaut commun à tous les enfants, et dont ils se corrigent avec l'âge. Mais, comme dit le proverbe, si léger soit-il, un défaut est toujours dommageable. C'est pour vous prouver la sagesse de ce proverbe que je vais rapporter l'aventure qui fait pleurer votre compagne. Pauline possédait un chardonneret des mieux dressés. Un chardonneret est un petit oiseau qui lui avait été rapporté des pays étrangers par son oncle, le capitaine des Zouaves. Fifi, ainsi se nommait l'oiseau, savait parfaitement tirer le seau qui contenait son breuvage, soulever le couvercle de l'auger qui renfermait son manger et se balancer la tête en bas au premier commandement. Pauline adorait son oiseau et le soignait avec une grande sollicitude. Dimanche dernier, jour de funeste mémoire, la petite fille, en nettoyant la cage, oublia d'en refermer la porte. Fifi s'envola par la fenêtre et, malgré les supplications de sa jeune maîtresse, refusa de rentrer dans sa prison. Depuis ce jour, Fifi n'a pas reparu, et depuis ce jour, Pauline ne peut s'empêcher de répandre des larmes en voyant la cage vide. Ce qu'était la vieille dame ? « Ah ah, mesdemoiselles !» fit la vieille dame en riant. « Comme vous voilà devenue sérieuse ! Il paraît que mes historiettes ne vous réjouissent que médiocrement. Rassurez-vous, je n'en raconterai pas davantage et je m'en vais. » Avant de m'éloigner, je veux dire un mot à cette petite fille qui cueille des pâquerettes. Adèle, ma mignonne, vous êtes certainement une aimable enfant, mais vous le seriez plus encore si vous négligiez moins votre personne. Souvenez-vous que les mamans n'ont aucun plaisir à caresser les enfants qui ont le visage, les mains et les vêtements souillés. Sur ce, mesdemoiselles, je vous tire ma révérence et je vous souhaite une bonne promenade, termina la vieille femme. Après son départ, les petites filles respirèrent plus librement et se communiquèrent leurs impressions. « C'est une sorcière !» s'écria l'une d'elles. « Ou bien une fée !» ajouta sa voisine. « C'est plutôt une ogresse !» dit une troisième. « Mesdemoiselles !» interrompit la maîtresse de pension. « Il n'y a de sorcières, de fées et d'ogresse que dans les contes inventés pour vous amuser. La personne qui vient de vous parler est simplement l'inspectrice des écoles. Elle connaît tous les enfants de la ville et tient registre de leur conduite. Que cette aventure vous serve de leçon et vous rappelle que les enfants doivent se montrer respectueux envers les personnes âgées de toutes conditions. »